La vie meurtrière, chapitre 2, quatrième partie. J'avais reçu de Jeanne une deuxième lettre, à laquelle, trop absorbée par ailleurs, je ne compris d'abord rien. Je dus y réfléchir et la relire plusieurs fois pour que le sens vrai m'en apparût. La pauvre petite, enflammée par la réponse que je lui avais faite et dont elle ne pouvait soupçonner la déraison, ripostait par quatre pages d'aveu. Je fus stupéfait, puis froissé. La malheureuse tombait sur un mauvais jour. Je n'en connaissais plus guère d'autres, hélas. Et le billet très bref que je lui adressai porta la trace de mon humeur. J'eus cette assurance, trois jours plus tard, au reçu de quelques lignes désolées, dans lesquelles elle parlait, sur un ton qui me fit froid, de ses peines, de ses maux et de sa mort. Trop de douleurs immédiates me tenaillaient, cependant, pour que je ressentisse ce surcroît. J'avais du plus pressant. Déjà, cette histoire s'estompait. Pourquoi aurais-je ravivé de tels souvenirs? Je soulageais donc ma conscience par l'envoi de bonbons et de colifichets, le tout appuyé d'un mot, chaleureux autant que je pus. Je l'engageai vivement à prolonger son séjour à la campagne, affirmant que Paris ne lui vaudrait rien et que ce serait folie d'y rentrer. Ce passage ne fut pas celui où je montrai le moins d'éloquence. Toutefois, la hantise de tant d'émotions que je lui devais finit par me reprendre. Je revécus les heures sinistres de l'hôpital. Je revis le maigre visage, les yeux de fièvre, la toux brusque et le flot de sang. Soudain, l'affreux cri me perça. On me l'avait prédit que je mourrais tué par un brin. Mes jambes fléchirent. Si pourtant c'était vrai. J'essayai de me remémorer les termes de ma lettre, mais, sous l'empire de telles affres, j'y parvins mal, les mots dansaient. J'eus peur d'avoir forcé le ton, et, vite, pris une feuille de papier, et écrivis de nouveau, au hasard et sans contrôle, tout ce que je pus trouver d'affectueux et de tendre, puis je fermai l'enveloppe et courus la jeter à la poste. Le lendemain, j'eus une bien autre surprise. Un petit pli mauve et parfumé que je trouvai chez ma concierge. Je l'ouvris, le cœur battant. « Ami, pourquoi me faire de la peine et ne plus venir? J'avais pourtant votre promesse. Vous savez que je n'ai plus que trois mercredis. Affectueusement, votre ami M. Montessac. » J'escaladai mes étages, courus à ma table, et là, bien enfermé, relus le billet. « Ami, pourquoi me faire de la peine et ne plus venir ? Elle avait eu de la peine. Alors serait-ce que... » Je n'osai m'arrêter à l'idée et poursuivis. « J'avais pourtant votre promesse. Vous savez que je n'ai plus que trois mercredis ? » Stupide, je tirai ma montre, comme pour voir. « Affectueusement, votre ami ? » Votre ami, les mots délicieux, et que j'en savourais longuement la douceur. Je ne sais comment je passai les jours qui suivirent. Je bouillais, je ne pouvais tenir en place, et fis si bien qu'il me sortit au beau milieu du visage un bouton de fièvre qui manqua me faire perdre l'esprit. Je loignis de pommade. Et, las de le voir grossir, ne tâchait plus qu'à le masquer. Si grande était ma faiblesse que je croyais mon sort pendu à ce bobo. Enfin, le moment arriva. J'avais fait quelques frais de toilette et m'étais chargée de roses superbes. Que n'eussais-je tenté? À 5 heures, je sonnais à sa porte. On m'introduisit et je tombai dans un salon où 10 personnes péroraient. Je faillis en lâcher ma gerbe. « Vous voilà, cher monsieur. Oh, les belles roses, pour moi ?»« Pour vous-même, madame, » fis-je acéré. « Comme c'est gentil, vous me gâtez. Et qu'êtes-vous devenu depuis des semaines ?»« Rien. » »« Je suis très contente de vous voir. » »« Moi aussi, madame. » »« Vous connaissez du monde ici, pas la peine que je vous présente. Tenez, voici justement Monsieur Jessen qui vous fait des signes. » Je l'eusse volontiers battu. Mais j'étais bien forcée d'avaler ma rage. J'allais donc m'asseoir près de ce niais dont la large face riait d'aise et qui tapotait un siège à mon intention. « Vous savez, dit-il, avant même que je fusse installée, je l'ai vendu. Quoi donc ? Le cornière, 40 000. Et quel est l'idiot, l'amateur? Un Américain. Ah, tant mieux, on ne le verra plus. Au contraire, c'est pour reproduire. On va le tirer à des centaines de mille. Hein, vous qui me blaguiez. Ça prouve que je n'y connais rien. Je voulais 50, mais j'ai réfléchi. Un véritable collectionneur ne doit pas garder ses tableaux. Il faut renouveler, toujours, sans ça, on s'attache. J'ai ainsi échangé mon grand Henner contre 2 petits Rohrbitz, une glace Louis XVI, une tabatière en écaille et un dessin de Corot. Seulement, le dessin de Corot était faux, alors je l'ai redonné à un autre amateur, avec 3 000. Et j'ai eu un Henner aussi beau que le premier, plus 2 flambeaux Empire en malachite. « Ah, monsieur, l'art, c'est tout dans la vie, tout !» Rongeant mon frein, je dus subir les prétentions de ce fâcheux qui me traitait en vieille connaissance et m'empestait de son haleine. Inattentif, je le laissai dire. Il en profita pour m'étaler d'autres combinaisons. Je crus, pour le monde, le moment venu de lui dire un mot aimable. « Et vous n'avez tué personne depuis la fameuse dame ?» Ses gros traits crispés du contentement de soi se détendirent comme si on eût coupé le fil, et ses lèvres pendirent soudain en signe d'affliction et de reproche. « oh monsieur, si on peut dire !» Une forte personne entra, je la reconnus. Et, à son fait, certains perroquets plus gisants que jamais. Je saluai le tout d'un sourire choisi, offrant mon pouf. Mais la dame, sans voir, courut à des gens, les mains ouvertes au bout de ses gros bras tendus. « Chère madame, chère madame !» Installée, elle m'aperçut. J'obtins alors, en échange de mon salut, de cordiales et silencieuses effusions, comiques, à distance, sous le chapeau dont les cerises bambillaient. Une femme si jeune, monsieur, et si jolie, et une peau, reprit Jessen, prête à recommencer son histoire. Quel est donc ce monsieur? Lui dis-je, désignant un jeune homme qui me semblait assis bien près de Madame Montessac. « Le petit Lambel, vous ne connaissez pas ?»« Lambel, qui écrit sur la céramique ?»« Mais oui. Et que fait-il ici ?»« C'est un intime. »« Ah !» Quelque chose me piqua au cœur. Je sentis que mes yeux noircissaient à dévisager le personnage. On dit même qu'il lui fait la cour. Qu'il essaye de lui faire la cour. Mais tout ça, c'est des histoires. Les gens ont si mauvaise langue. C'est comme pour Madame Arbelier, là, la petite blonde avec une plume bleue. » Je m'occupais bien de Madame Arbelier, de sa plume et du reste. Mon attention, rivée à deux seuls êtres, n'en connaissait plus d'autres. Je suivais le jeu de leurs lèvres, m'efforçant d'y lire des paroles dont le son ne me parvenait pas, mais à quoi je prêtais les significations les plus redoutables. « Ça ne ferait pas une mauvaise affaire !» me coula dans l'oreille le gros Jessen avec des clins de paupières pleins de sous-entendus. « Il ne s'embêterait pas, le petit Lamberle !» Il en fut quitte pour s'applaudir lui-même, et tout seul, d'un rire épais et soutenu. « On s'amuse dans votre coin ?» fit Madame Montessac. Bien plus encore qu'elle ne se figurait. À ce moment, une dame en robe cannelle, flanquée de quatre filles assorties, se leva pour prendre congé. Je supputais le vide et augurais quelque espérance, mais trois autres entrèrent, plus un monsieur, et ce fut l'occasion d'un petit tumulte qui mit la pièce en branle-bas. Je résolus d'en profiter et me dirigeai du côté de Madame Montessac. « Permettez-moi de vous dire adieu, madame. »« Comment ? Mais vous arrivez à peine. »« Je suis attendue, madame. Un rendez-vous tout à fait pressant. »« Oh, quel dommage ! Pas même une toute petite minute. Je suis sûre que votre ami d'Arnac va venir. » « Impossible, madame. Et puis, vous êtes si fort occupée et entourée que, vraiment, je craindrais d'abuser. »« Ah, au revoir, alors. » Cérémonieusement, je m'inclinai et gagnai la porte. Au passage, la dame au perroquet me gratifia d'une poignée de main fort amicieuse, qui mit en mouvement l'appareil considérable de ses seins. Ensuite, Jessen, qui me souffla son adresse avec des invites. 23 bis, rue François Ier, n'importe quel jour, vers 1 heure, la côtelette, l'amitié. Comptez là-dessus, fis-je pour être lâché. J'étais encore sur le paillasson, qu'il riait encore. Sitôt rentré, j'écrivis ce poulet. Madame, vous êtes tout ce qu'il y a de plus aimable de me convier à vous voir chez vous, et je vous en remercie. Mais c'est une grâce dont je n'abuserai plus, étant donné que je vous y vois très mal. Quant à vos amis, qui sont décidément nombreux, je les verrai aussi bien et avec plus de plaisir ailleurs. Souffrez, madame, que je vous présente l'hommage de mes sentiments les plus respectueux. Jacques Verdier. Je relus et fus enchanté. J'étais prête à voler à la poste quand un scrupule me retint. Je craignis l'erreur d'un premier mouvement et, par prudence, décidai de sursoir à l'envoi. Il serait toujours temps le lendemain. Je laissai donc le pli sur ma table, mais n'embrossai pas moins mon chapeau avec un intense contentement. Ensuite, je descendis humer l'air et flânai sur le boulevard. J'y divaguai promptement et versai vite et tout entier dans les idées basses de rancune et de haine. Un apéritif et un dîner très arrosés aggravèrent un état qui ne fit que croître au cours de la soirée. L'une après l'autre, les plus sales pensées m'envahirent. Et je m'en délectais, je les savourais et n'eus plus de force que pour elles. Tordu de jalousie et persuadé que ce Lamberle était son amant, je voulus qu'elle payât toute chaude sa trahison et je refis ma lettre, au café, sur du papier de fournisseur. Je ne changeai rien du commencement que je savais par cœur et trouvais bien. Madame, vous êtes tout ce qu'il y a de plus aimable de me convier à vous voir chez vous, et je vous en remercie. mais c'est une grâce dont je n'abuserai plus, étant donné que je vous y vois très mal. Quant à vos amis, qui sont décidément nombreux, je les verrai avec plus de plaisir ailleurs. Monsieur Lambel est tout à fait bien, et je suis heureux que sa personne ait de quoi vous plaire. Agréez, madame, l'expression de mes sentiments respectueux. Jacques Verdier. C'était plat et grossier. J'exultais. Par surcroît, et pour n'en pas retarder l'effet, je fis porter ce mot par le chasseur. Cette malpropreté me soulagea. Pendant quelques heures, je fus ivre, ivre d'une ivresse méchante qui m'interdisait tout contrôle, et que j'exaspérais à petits coups, quelque souffrance que j'en ressentisse. Je ne savais plus que subir mes impulsions, et mes impulsions voulaient que je me vengeasse, que je rendisse les blessures au double et fisse le mal pour le mal. J'attisais ces dispositions jusque très tard. En rentrant, à minuit, je trouvais sous ma porte un petit bleu, dont voici le texte. « Cher ami, vous m'avez fait beaucoup de chagrin tantôt, et comme à plaisir. Pourquoi ? Mais ce qui me peine le plus, c'est de penser que vous vous en faites autant à vous-même. Attendez-moi demain, jeudi, à 3 heures, sous les galeries de l'Odéon. J'ai quelques courses, nous les ferons ensemble et nous causerons. Votre ami, M. M. » Je relus, puis m'assis et relus encore. Le papier, zébré de la haute et aristocratique écriture, tremblait au bout de mes doigts, et ces mots, si clairs pourtant, s'enchevêtraient, prenant tour à tour les sens les plus opposés. Que croire ? Je cherchais, sans y parvenir, à tasser un peu de raison. Et voilà que, doucement, la tristesse de ces lignes m'apparut. J'en sentis la plainte mal résignée, le reproche, tant de peine enfin. Même je ne sais quel appel navrant d'amitié blessée qui crie au secours et se défend. Les deux coudes dans le fatras de mes paperasses, je m'hypnotisais sur ce billet, si mince et si formidable, et si neuf de couleur, au milieu de mes pauvretés grisâtres. La douleur s'en exhalait, si forte, et tant d'émotions avaient guidé la plume, que j'en pouvais compter les soubresauts. Et de cette douleur j'étais responsable, moi. Quel sort diabolique me condamnait donc à faire le mal, toujours. Je restais là, dans mon fauteuil, affalé, incapable de concevoir le comment de ces fatalités, quand, dans leur égarement, mes yeux perçurent un pli resté sur la table. C'était ma lettre. Je revis aussitôt l'autre, celle dont, à la même minute peut-être, elle souillait ses regards. Une heure je tournais dans ma chambre, cognant au meuble une inconscience de brute, puis je voulus me coucher lâchement. Je retirai mon veston, mon gilet, mais la crainte d'une nuit sans sommeil me retint. Je résolus de sortir et me rhabiller. Chapeau sur la tête, j'hésitai de nouveau. Enfin, violemment, je partis, et la porte chassée tonna dans la nuit comme une explosion. Sans trop savoir, je gagnai le boulevard Saint-Germain et je descendis jusqu'à la Concorde. Sur le pavé séchait un reste d'averse et des flaques luisaient. Il faisait doux. Bercé par le bruit sec de ma canne piquant le bitume, je fus bientôt à la Seine et m'engageai sur le pont. Il n'y avait plus de voiture, et les lourdes arches se doublaient en ove dans l'eau sommeillante et lassée. Une seconde, je m'arrêtai, les coudes sur l'appui. Je plongeai mes yeux dans ce velours où quelques lumières ondulaient. Je notai la plongée d'un poisson, deux ou trois rides qui scintillèrent et moururent aussitôt. J'avais la tête en feu. Un autre s'y jeterait. Mais je n'étais que moi. La décision farouche avorta dans un soupir de veulerie. Je repris mon chemin. À l'obélisque, je dus choisir. Les Champs-Élysées, trous noirs, ou la rue royale, incandescente comme un four. Ce fut là que j'allai, par soif de la vie. Peu de passants, mais des filles sous les réverbères. Je n'avais pas fait 10 pas que j'étais accostée. Je me dégageai, d'autres vinrent. Il fallut traverser et ce fut pis. Agacée, je m'assis devant une brasserie. Déjà les garçons retiraient les chaises et les empilaient dans un coin. On m'en laissa une. Je commandai une chartreuse et la bus, seule et désemparée, dans le vieux sable et les crachats du jour. Sur le trottoir couvert de détritus passaient d'étranges figures. Des chiffonniers, couleur d'ombre et poilus, qui filaient, le nez sur la piste, le croc à l'affût, la lanterne au ras du sol, et, pareils à de gros sangliers mous, des gueux blafards, des miséreuses atones et de races incertaines, dont l'œil flambait devant les glaces étincelantes du café. Puis de pauvres soireuses en habit, courant sur leurs pointes et navrées d'avoir raté le dernier omnibus, des voyous insolents, des gamins suspects, et parfois, dans les accalmies, des rats en chasse parmi les pelures et les prospectus. Impeccables dans cette pouillerie, des agents déambulés, monotones et lents. Le patron bâillait sur la porte, et la caissière racontait tout haut ses petites affaires au dernier buveur. Quelques gouttes tombèrent. Une petite fille vint, avec des airs, m'offrir un bouquet fané, et, de l'œil, une antique guimbarde dont le cocher urinait, paisible, contre la roue. Je la congédiai. Puis ce fut le garçon, qui, par deux fois, toussa dans mes alentours. Je finis par comprendre et me lever. Il était 2 heures. Où aller? Machinalement, je redescendis à la Concorde et pris le cours La Reine, plus silencieuse et désert. Le vent soufflait et les flammes du gaz répandaient sur le sol humide une lueur mouvante et secouée. Non loin, sous un massif, je connaissais un banc, mais ne pus m'y asseoir. Une double forme y remuait doucement, en laissant voir un peu de linge. Plus loin, j'en vis d'autres, des couples soudés, ou bien las et distants. Je devinai, dans les ténèbres, leurs yeux me suivre, inquiets, mais sans méchanceté. Ils étaient 2, ceux-là. Je me sentais, moi, si infiniment seul et rebuté, que, par horreur du présent, je voulus fuir et me blottir au creux secourable du passé. Effort naïf et combien vain, car, si haut que je le remontasse, il n'en sortit que de la peine. J'évoquai ma toute première enfance, espérant un souffle de fraîcheur. Mais ma mémoire opaque se refusa. Je n'en sus tirer que des bribes sans cohésion, des fragments neutres et décousus, qui joignaient mal, comme les pièces d'un jeu dépareillé. Un gros sanglot vint à mes lèvres où il creva. La lune apparut toute blanche dans les arbres. J'étais au rond-point de l'Alma. À 3 heures, avait-elle dit, sous les galeries de l'Odéon. Comment paraître devant elle et que lui dire? Je conclus par une lâcheté. Après tout, quoi? Un mouvement de contrariété, elle comprendra. 4 lignes sont si vite écrites, je m'excuserai, je... Mais je ne pus poursuivre. Trop ouvertement, je me dupais, et des clameurs hurlaient en moi plus haut que cette appréhension tiède. J'étais le malfaisant, le maudit, celui qui sème la douleur par fonction naturelle, celui de qui la sympathie est une offense, l'amitié une insulte, et le contact presque un arrêt de mort. Ainsi fouetté, mon allure s'accéléra. Je fis kilomètre sur kilomètre, au hasard, malgré les rafales, pendant des heures. Bien plus tard, je me revis aux Champs-Élysées. Je les descendais, inerte et boueux, dans le petit jour aigre du matin. Soudain, car il faut que le grotesque se mêle à tout, je me heurtai contre un individu qui zigzaguait sur la chaussée. « Opéra, sir, opéra !» bégaya-t-il. Je reconnus un Anglais de bonne compagnie, car il était correct et puait le whisky. « Par là, lui dis-je, tout droit et à gauche. » Il voulut faire demi-tour, mais, trop ivre, ne put s'arrêter et fit la conversion complète. De nouveau, je l'eus sous le nez. Je le pris par les épaules et tentai de l'orienter. Il me tomba dans les bras. Tant bien que mal, je le remis d'aplomb et, sans plus insister, le plantai là et continuai ma route, tandis qu'il reprenait la sienne par bordée et à contresens. L'intérêt de cette diversion s'émoussa vite et tomba de lui-même. Harassé, je demandais à 6 heures le cordon et subissais le regard sévère de ma concierge. Je me jetai sur mon lit, mais ne pus fermer l'œil à cause aussi des oiseaux, du soleil et du serrurier qui commençait en bas sa journée. Depuis un quart d'heure, je lisais, sans la comprendre, la même phrase d'un livre non coupé, quand, par l'avenue de Médicis, je vis s'avancer Madame Montessac. Je fermai le volume et attendis mon sort. « Bonjour, » dit-elle la main tendue. De ses doigts, je sentis un papier glisser dans les miens. « Je l'ai apporté pour que vous le détruisiez vous-même. »« Oh, si vous saviez !» commençai-je enflammé. « N'en parlons plus, n'est-ce pas ? Je vais boulevard Malesherbes. Est-ce votre côté ?»« Je n'ai pas de côté. » »« Alors parfait. » Nous quittâmes les galeries et descendîmes vers la rue de l'Odéon. Des travaux encombraient la place, de sorte qu'il fallut, pour en sortir, louvoyer dans des gravats et des tranchées, ce qui nous obligea pour un instant au silence. Si pénible fut-il, je ne l'eusse voulu jamais rompre. J'étais au martyr et n'appréhendais rien tant que ce trottoir vers quoi tendaient tous nos efforts. Enfin nous y fûmes. Ne sachant que dire, je crus séant d'esquisser une nouvelle prière. De nouveau Madame Montessac la coupa. « Puisqu'il est entendu qu'on n'en parlera plus, là. »« Je suis si malheureux. »« Mon cher ami, je le crois sans peine. » »« Mais au fait, puisque nous voilà seuls, voulez-vous que nous en profitions pour mettre les choses au clair et les régler définitivement ?» Elle parlait sans gêne et d'un ton précis qui m'inquiéta. Je ne pouvais qu'acquiescer, déjà subalterne. Je veux bien. J'ai beaucoup d'affection pour vous et suis toute prête à vous compter au nombre de mes amis, de mes meilleurs amis. Mais à l'allure que prennent nos relations et dans leur intérêt même, il me paraît urgent d'en préciser exactement et le sens et la limite. Vous m'aimez beaucoup, je le sais, ou du moins vous me l'avez dit. Je vous aime follement, je vous le jure. Entendu. Mais à part ce qu'un tel aveu peut avoir de flatteur, avouez que vous vous y prenez bien mal. Vous me compromettez horriblement. Moi ? Et sans doute. Comment ? Vous arrivez dans mon salon, chargée de fleurs comme un fiancé. Je ne vous les reproche pas, elles m'ont ravie. Mais parce que je n'y suis pas seule, vous prenez un air outragé et vous lancez des yeux furibonds à tous mes amis. Permettez, vous m'avez mise très mal à l'aise. Le reproche était net, j'en fus un peu piquée. Vous exagérez, madame, les choses n'ont point été ce que vous dites. Ah, vous trouvez. Qu'à rencontrer là si nombreuses compagnies, j'ai pris de l'humeur, je n'en disconviens pas. Ce ne sont point vos amis que j'espérais. Je ne vous reproche pas votre humeur, je vous reproche de ne la pas savoir maîtriser. Je n'ai pas honte de mes sentiments. Sapristi, la belle réponse. Mais je ne vous reproche pas davantage vos sentiments. Quoi alors? Tenez-vous? Cela vous est facile. Je suis une femme mariée, chère amie, et qui plus est une honnête femme, et j'aime mon mari, qui me le rend. Nous n'allons pas comparer. Merci. Pour rare qu'il soit, le cas existe. Il oblige à quelques égards. J'espère que vous vous en souviendrez. La mercuriale tomba sur ma peine comme une grêle fine et la glaça. J'en eus un petit redressement d'orgueil. On tâchera, madame. Ne faites pas la tête. Ce que j'en dis est plus encore pour vous que pour moi. Car tenez, puisque nous sommes en train de tout dire, ce qui, dans vos façons d'hier, m'a le plus peiné, c'est moins la gêne de je ne sais quelle appréhension, la peur, là, de vous voir gâter sans remède une affection qui pouvait être bonne, très bonne. Enfin, que diriez-vous si je vous déclarais que je ne puis plus vous recevoir? Oh, alors! Alors aidez-moi, au lieu de vous mettre perpétuellement en travers. Où me menez-vous? Entraînés par le feu de ce dialogue, nous nous égarions dans le lacis des rues qui entourent Saint-Sulpice. Je rectifiais, nous gagnâmes la rue Bonaparte. Si vous croyez que c'est drôle aussi d'arriver chez vous le cœur battant pour se voir coller à Monsieur Gessen. Elle éclata de rire. Pauvre garçon, il est de fait. Elle me tendit deux doigts. Je profitai de ce que nous étions couverts par un fourgon pour les porter à mes lèvres. Maintenant, dit-elle, que je vous ai bien secoué, sachez que je connais un thé, rue de l'Échelle, où l'on n'est pas trop mal. Je vous autorise à m'y conduire. Et le papier? Quel papier? Le bleu, la fameuse épître. Ah, le voilà. Je lui fis voir une boulette informe que je n'avais cessé de rouler durant l'algarade. Jetez-le. Dans la Seine, pas avant. Nous y fûmes bientôt. Au milieu du pont, j'avisai un torchon de paille au fil de l'eau. Regardez bien, lui dis-je, et, visant longuement, je lançai la boulette, mais manquai le but de beaucoup. Le papier disparut dans un remous. Elle rit très fort et se moqua de ma maladresse. Cette exécution faite, nous quittâmes le sujet d'un commun et tacite accord. Elle, parce qu'elle en avait dit tout ce qu'elle avait à dire, moi, parce que je m'y sentais, et pour cause, mal à l'aise. Nous fîmes donc assaut de bon vouloir et changeâmes d'aimables lieux communs qui nous mirent vite rue de l'Échelle. Nous y prîmes le thé parmi des misses affamées et dans la fraîcheur, et là, ce qui restait de gêne s'évapora. Puis Madame Montessac, voyant l'heure, se souvint qu'elle avait des courses. Elle fit chercher une voiture et me renvoya le plus gentiment du monde, si bien que je reçus son congé comme une faveur. Je vis tourner et disparaître son cheval au coin de l'avenue de l'Opéra. Demeuré seul sur mon trottoir, je conclus, d'un rapide bilan, que mes affaires n'étaient pas en si mauvaise posture. Tout au charme de la découverte, je pris à mon tour le même chemin qu'elle, lentement, recensant des mots et flairant mes gants où traînait un peu de son odeur. La joie de cette fin de jour si mal augurée me montait au cerveau. D'allégresse, je fis quelques achats, des cravates et un amour de petits revolvers à crosse d'ébène, et si tentant dans son œuf que je n'avais pu y résister. Ensuite je flânai sur le boulevard, désœuvré mais dispos, et bâillant aux étalages. J'étais heureux et fredonnant, et mes prunelles rallumées témoignèrent à l'excès mon allégresse. Plusieurs femmes me sourirent. Peut-être répondis-je à quelqu'une, je ne sais. Enfin, un peu là, je m'assis à la terrasse d'un café. Sous mes yeux coulait le flot sombre des passants. Une robe éclatée parfois là-dedans, un chapeau vif, un rire haut. Tête d'inconnu, tête lasse, par-ci, par-là, une carrure étrangère, des épaulettes. Je sirotais une menthe, béat et vague. Deux filles surgirent, bras dessus, bras dessous. Je reconnus en l'une la fille du fameux soir, le soir de Saint-Germain. Elle passait à ma hauteur, elle me vit, et je sentis qu'elle me reconnaissait aussi. Peu soucieux de l'aubaine, je plongeai le nez dans mon verre, mais, poussant du coude sa compagne, elle me désignait, criant « Tiens, v'là Joseph! Comment que ça va, Joseph? Hé, Joseph !» J'avais un journal sous la main, je m'y dissimulais. Déjà quelques consommateurs cherchaient à savoir. Heureusement, le flot les poussa et le quittèrent la place. L'incident fut bref et peu s'en doutèrent. Personne ne comprit, hormis moi, mais c'était juste trop. « Joseph !» Les mois passés, je ne pus me défendre de certains retours. Et le deuxième examen que je fis de la situation me la fit voir tout autre, et bien moins avantageuse que je ne l'imaginais. Ces deux dernières heures, dont j'étais si fière, prenaient, à les considérer de près, une signification plutôt propre à conseiller la modestie. Il est vrai que je m'attendais à de telles catastrophes. À part les gentillesses faciles de la fin, venues là un peu comme un coup d'éponge, je n'avais guère récolté qu'une leçon, mais si nette et carrée que mon rôle se dut borner tout juste à des interjections. Je méditais là-dessus, mais n'aboutis à rien qui pût exalter mon amour-propre. 6 mois de passion, et j'avais donné mon meilleur, me laissait exactement au point du départ. Plus amer et désabusé, voilà tout. Joseph! Pour un rien, j'eusse versé dans la mélancolie. La peur d'une deuxième nuit blanche me fit réagir. Je pris un stupéfiant. Tout de même, l'aube fut longue à venir. Joseph! Depuis des semaines, je n'avais vu d'arnaque. je crus bon de passer un matin à son atelier, mais trouvai porte close. Sa concierge m'apprit qu'il était à Toulouse, vraisemblablement pour toute la saison. Je fus mi déçu, mi satisfait, car à l'affection sincère qui m'attachait à ce très galant homme, se mêlait, je crois l'avoir dit, une sorte de gêne qui m'en rendait la fréquentation difficile. Je déposai ma carte et me promis de lui écrire, ce que je fis dès mon retour au logis. Par lettre, l'expansion m'était plus aisée, et les mots ne risquaient pas de me coller aux lèvres. Je lui adressai donc deux longues pages, en lesquelles j'insistai sur le chagrin que me causait son absence, et je le fis en termes qui durent le ravir, autant qu'ils me coûtèrent un peu. J'avais l'habitude de passer chaque année quelques semaines à la mer. Par exception, cette fois-ci, je décidai de rester à Paris et me donnai pour motif l'histoire de la sculpture française au XIIe siècle qui continuait dans le Parthénon son petit bonhomme de chemin. Il y en avait un autre qui se devine. Pour rien au monde, je n'eusse voulu quitter Paris, Madame Montessac y étant. Or, je n'avais pas connaissance que son départ fût prochain. J'ai tenu sous silence ces périodes secondaires de ma vie, toutes d'intérêt médiocre, comme je l'ai fait pour d'autres, qui ne touchaient pas au fond même de ce récit. De même que chacun, j'eus, à côté du grand drame, mille petits drames journaliers. J'eus des semaines inégales, des heures tour à tour enthousiastes ou désabusées. Je connus et fréquentai des gens, je voyageai, j'eus des aventures. Le mentionner en deux lignes suffit. Insister serait hors du sujet. J'ai dit aussi que l'histoire de la sculpture française au XIIe siècle suivait sa carrière. Mais plus j'avançais dans cette tâche, plus la vastitude m'en apparaissait. Certains jours, je fus bien découragé. Depuis la petite leçon que m'avaient donnée de bons anonymes, j'inclinais aussi à plus de prudence et surveillais mes affirmations. On ne voyait que moi dans les bibliothèques et au Trocadéro. Ce travail fut ma meilleure sauvegarde. Une après-midi, je compilai divers documents relatifs au tympan de la porte centrale d'Autun, où j'avais fait l'avant-veille une course rapide, lorsque ma sonnette tinta. Je crus qu'on m'apportait du Parthénon des épreuves attendues, et ouvrit. Quelle ne fut pas ma surprise de voir, dans l'encadrement de ma porte, Jeanne, les bras chargés d'un gros bouquet. Je n'en eus aucun contentement, mais l'air de joie épandu sur sa personne commanda mon attitude, et c'est de la meilleure grâce que je l'introduisis. Passant au jour, ses traits, que j'avais assez mal vu dans l'ombre du vestibule, se précisèrent, et, ainsi éclairés, prirent une rigueur et un accent qui me donna le frisson. Jeanne était littéralement méconnaissable, creusée, décharnée, livide. Sauf l'éclat de ses prunelles, j'eusse cru voir remuer un cadavre. Une indicible angoisse me serra la gorge, mais tant de bonheur flottait sur sa pauvre face que, de peur de la voir s'altérer, je me dominai et souris à mon tour. « Eh bien, Jeanne, lui dis-je, en voilà une bonne surprise !» Elle ne répondit pas, et, son bouquet posé, vint à moi les bras tendus. Je fis un pas au-devant, pensant lui prendre les mains, mais elle me devança, les noua sur ma nuque et colla sa bouche à la mienne. Avant que j'eusse pu la retenir, je sentais sa langue me pénétrer et le goût de sa salive. Une impression odieuse me fit reculer. Presque de force, je me dégageai. Nous restâmes ainsi quelques secondes, elle immobile, mais les mains prêtes à l'étreinte, et ses yeux semblant chercher le désir dans les miens, moi sur la défensive. Tout cela fut si prompt que je n'eus pas le temps de me composer. J'étais stupéfait, mais plein surtout d'une répulsion affreuse. J'essuyai mes lèvres où persistait la saveur de son baiser, et sans doute exprimai-je à l'extrême cette répugnance, car je vis l'exaltation de ses traits tomber brusquement. Ses yeux se ternirent, puis, ramenant ses mains à son visage, elle l'y plongea et se mit à sangloter. Alors je compris, courus à elle et la pris dans mes bras. Mes doigts frissonnèrent à palper ce dos misérable. Elle voulut m'écarter, mais n'en eut pas le pouvoir. Je la serrai, je la consolai, je lui dis les plus douces choses. Sa poitrine touchait la mienne, et j'eusse pu compter les coups de son cœur. « Chère petite Jeanne, je vous ai fait du chagrin, pardonnez-moi. C'était si brusque, ma parole, j'ai eu peur. « Voyons, petit ami, calmez-vous. Là, c'est fini, c'est fini. Je voudrais mourir. Voulez-vous bien vous taire? Oh oui, et mourir tout de suite. Folle, va !» La nuque si blanche s'offrait. J'y mis un baiser, puis un deuxième, puis encore. Je sentis tout son être répondre et se donner. Dire de pareilles choses, alors que vous voilà guérie et belle. Montrez un peu comme vous êtes belle, petite Jeanne. » Je pris sa tête et la tournai de mon côté. Ah, l'abominable chose! Je dus me contraindre pour ne pas éclater. « Vrai, vous me trouvez bien ? » mendia-t-elle. Une expression si hors la vie irradiait de ses yeux dans cette minute qu'elle en fut transfigurée. Son regard se haussa jusqu'à la pure beauté. « Oui, Jeanne, jolie, jolie, plus jolie que jamais, merveilleusement jolie. » Et, à mon tour, je pris ses lèvres. Elle fléchit et s'abandonna. Dès lors, je tombai dans une sorte d'inconscience. Les plus diffuses volontés battaient sous mon front. Mais une les primait toutes, séchait ses larmes qu'une fois de plus, criminel imbécile, j'avais causé, les sécher à tout prix. Oh, voir refleurir un peu de rosée sur ses joues, que n'eussé-je tenté. Lourdement, je cédai aux lois de l'instinct et fis mon métier d'homme. « Chère, chère Jeanne, disais-je, couvrant son front de baisers, ne pleurez plus, je vous en supplie. Je vous aime tant, chère Jeanne, et j'ai tant de chagrin. Jeanne, voyez ma peine, par pitié. » Et comme le grand chapeau gênait mes effusions, j'en fis sauter les épingles et le lançai sur un fauteuil. Sans contrainte, alors, j'eus tout à moi le navrant visage. Rivé au mien, je ne le voyais plus, j'y étais mêlé, je le respirais, je le mangeais de caresses. Soupirante, elle se laissait aller, les yeux perdus. « Oh, Jacques !» murmurait-elle. « Jacques, Jacques !» Mais de nouveau, ma bouche couvrait la sienne. Déjà, par la fente du corsage, ma main fouillait, brisant les défenses, quand un cri m'échappa, un cri de dégoût et d'horreur. Au lieu de la douce chose espérée, Mes doigts avaient senti je ne sais quel déchet grumeleux et desséché. D'un bond, je fus sur pied, loin d'elle. La pauvrette, presque jetée à terre, eut peine à retrouver son équilibre. Dans le mouvement, une sorte de petit coussin, ridicule et touchant postiche, tomba de sa blouse entr'ouverte et roula jusqu'à moi. Je le repoussai comme on chasse un animal visqueux. Je sentis que mon regard flambait de haine. Jeanne, interloquée d'abord, ne comprit pas, puis ses grands yeux dilatés s'élargirent encore et sa pâleur devint mortuaire. Elle allait s'abattre sur le plancher. Je me précipitai pour la soutenir. Mais, comme si mon toucher l'eût galvanisée, presque violemment elle m'écarta. Elle prit d'une main son chapeau, ramassa de l'autre l'immonde objet et gagna la porte. Soudé au sol, je regardai sans voir. Au moment qu'elle passait le seuil, je pus articuler « Jeanne, que faites-vous ?» Sans répondre, elle continua. Je courus et voulus la saisir. « Jeanne, par grâce, un mot ! Ma chère Jeanne, je vous en supplie !» Mais en vain tentai-je de la ramener. Muette, elle poursuivait son chemin. Je vis dans le couloir hoqueter son dos lamentable. Puis, cramponnée à la rampe, elle disparut dans l'escalier. Je rentrai chez moi, dans le décor tout chaud où plus rien d'elle ne subsistait, m'assise à ma table et, sur le dernier feuillet de l'histoire de la sculpture française au XIIe siècle, pleurai comme un enfant.